Il y avait conférence de presse la semaine dernière à Dolbeau-Missassigny où on annonçait une très grosse compétition. En fait, c'est du bootcamp qui sera présenté le 17 juin au centre de ski, le demi-ski dans le secteur de Dolbeau. Et pour savoir un peu, c'est quoi du bootcamp, c'est quoi a été l'idée, ben, on parle avec l'instigateur Richard Ballot. Salut Richard! Salut Danny. Richard, tu étais l'instigateur du bootcamp. Comment est venue cette idée d'amener ça ici dans le secteur? Ben, premièrement, c'est une. Nous, les deux dernières années, on avait eu une course en obstacle à Dolbeau-Missassigny qui s'appelait la Wolverine Race. OK. Depuis deux ans, on met ça sur les terrains du Juvenat. OK. Cependant, avec la fermeture du Juvenat à Dolbeau, ben, on a été obligé de se relocaliser à un autre endroit. Là est venue l'idée de faire ça de 1 à 2 minutes. OK. Puis deux, ben, tant qu'à déménager, tant qu'à brasser la soupe, ben moi et mon équipe, on a décidé de regarder pour se trouver un partenaire, un gros partenaire qui était Bootcamp Race, qui est le plus gros organisateur de course à obstacles. OK. Comment, avant de parler du monde, on était à 3000 personnes, à Dolbeau-Missassigny, ce sport-là, y en a-tu beaucoup? Y a-tu beaucoup d'adeptes? Ben oui, je peux dire qu'il y a beaucoup d'adeptes, il y a beaucoup de personnes qui font des courses obstacles. L'an passé, nous avons eu 250 personnes qui venaient de Dolbeau-Missassigny juste pour faire notre course. Je sais qu'il y en a qui vont faire des courses à Québec, il y en a qui vont à Chicoutimi, à Drummondville, partout au Québec où se tiennent ce type de courses. OK, c'est quoi en fait ces courses-là? C'est des courses à obstacles, comment ça fonctionne? C'est une course de 6 kilomètres qu'on va tenir à domicile. Il y a 25 obstacles. Les obstacles, ça peut être de gravir un mur, ça peut être de glisser dans un endroit, escalader un mur. Il y a 25 obstacles complètement différents les unes des autres qui sont répartis sur le long du parcours. Okay. Les gens décollent, aucun temps chronométré, le but et bien de terminer la course et de vaincre ses peurs, ses craintes, mais c'est d'avoir la fierté de finir la course qui est importante. Les gens d'école, on commence, on fait la course, on arrive aux obstacles, on fait les obstacles. Si on n'est pas capable de gravir un obstacle, il y a une pénalité. La pénalité, ça peut être de faire 25 burpees, ça peut être de faire 25 push-ups. Tout dépendant, chaque obstacle a une pénalité. Généralement, il y en a-tu beaucoup qui pognent des pénalités? C'est-tu, il y en a-tu pas mal? Non, il n'y en a pas. On essaie que les gens réussissent l'obstacle. C'est sûr que quelqu'un qui a peur des hauteurs, puis on lui fait monter à une douzaine de pieds dans les airs, ben, c'est sûr que des fois, il peut commencer à avoir peur. Mais on essaie de l'aider à vaincre sa peur et être capable de grimper jusqu'en haut. Pour que quand il le fait, mais cette personne-là soit tellement fière de elle qu'elle peut dire mission accomplie. Okay. Où t'as vu ça? Où t'as connu ça, toi? Ça fait longtemps que t'es impliqué dans le sport, je te connais dans le football. Où t'as connu ça? Puis où est venue l'idée d'amener ça ici, dans ce secteur? Moi, présentement, cette année, ça va être ma troisième année que j'en fais. Comme j'ai dit, j'en ai fait à Chicoutimi, j'en ai fait à Jonquière, j'en ai fait à Québec, j'en ai fait un peu partout au Québec. On avait décidé, voilà deux ans, de se monter un petit comité pour en faire une à Dolbeau, pour justement venir en aide au club d'haltérophilie de Dolbeau, qui nous permet de ramasser des sommes pour le club d'haltérophilie, pour être capable justement de fournir du matériel, fournir des entraîneurs à nos athlètes. Puis cette année, ben, on s'est dit pourquoi pas viser gros, aller gros, puis s'associer avec une compagnie, comme je dis, la plus grosse compagnie de course d'obstacles au Québec. Cette compagnie-là nous offre une visibilité hors pair sur leur site web. Ils ont au-dessus de 66 000 personnes qui les suivent sur Facebook, en plus du monde qui les suit sur Twitter. Quand ils font une annonce, eux, ils ont à peu près, ils rejoignent 100 000 personnes adeptes de ces courses-là. Okay. Là, tu parles d'amener 3 000 personnes à Dolbeau-Missassigny. C'est du monde. Tant mieux si tu réussis, mais c'est du monde en tabarouette, ça? C'est un objectif qui est très ambitieux. Ouais. Qu'on va tenter d'accomplir du mieux qu'on est capable. Présentement, on a dépassé le 1000 inscriptions. Oh, okay. Quand on avançait des chiffres de 3000, c'est par rapport à ce qu'on a déjà fait. On a juste commencé. C'est sûr que les inscriptions, eux, ont commencé officiellement. Les gens ont commencé à s'inscrire aux fêtes, avant juste au mois de décembre. Cependant, la conférence de presse qui lançait le projet a eu lieu juste la semaine dernière. Et nous avons dépassé le cap des 1000 personnes inscrites. Déjà, c'est déjà pas payé. Mais là, j'imagine que plus ça va aller, plus vous allez avoir de monde, là, finalement. Exactement. C'est parce que plus, on va commencer la publicité un peu partout, sur Facebook, on va avoir des affiches, on va être agressif. Là, à partir du début avril, là, on va être très agressif au niveau de la publicité, au niveau de nos démarches pour les commanditaires, parce qu'on va aller voir justement le milieu pour l'implication du milieu qui est très important. Je pense qu'une course avec des retombées économiques qui vont être énormes, parce que si on amène 3000 personnes, on s'entend que c'est pas 3000 personnes de Dolbeau-Missassigny, c'est du monde, on en a de Québec, de Montréal déjà d'inscrits. Ah, écoute, ça va faire virer les autres. C'est vraiment, les terrains de camping. C'est vraiment incroyable, parce que 3000 personnes, et ces gens-là vont-tu coucher à Dolbeau-Missassigny? Vont-tu coucher à Domiski? C'est comment ça va fonctionner, la structure? J'imagine que le 17 juin, il y a du monde qui vont quand même venir. Ça va être le temps de se camper. À Domiski, ils vont l'offrir certainement. Donc, mais j'imagine qu'il va y avoir du monde dans les restaurants, du monde dans les hôtels. J'ai rarement vu une activité de même à Dolbeau-Missassigny. Ben, exactement. C'est unique. C'est une première. De cette grosseur-là, de cette envergure-là, ça va être une des plus grosses compétitions qu'il ne va pas y avoir. Bon, on parle de compétition. On s'entend que c'est pas une compétition. C'est une activité sportive qui va attirer beaucoup de monde. Ça va être une des plus grosses jamais réalisées à Dolbeau-Missassigny. Puis si on est capable d'atteindre le 3000 personnes, et je crois bien qu'on va être capable de l'atteindre, ben ça pourrait donner des retombées pour Domiski et le club de l'haltérophilie, chacun d'environ 10 000 $ pour les deux. Ouais. Là, je suis sur le site actuellement du bootcamp que tu appelles, où est-ce qu'on annonce les courses. Je peux voir, c'est un circuit aussi, là. T'as Trois-Rivières le 3 juin, Dolbeau-Missassigny le 17, Mirabel le 9 juillet, et par la suite, c'est Granby le 19 août. Donc, ce que je peux voir, c'est pas mal tout le même monde, puis j'imagine que c'est un circuit où les gagnants peuvent ramasser des points. Non, il n'y a pas de circuit. Okay. Non, c'est pas le. C'est vraiment. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de temps chronométré. Ah, okay. Il y a des compétitions qui sont chronométrées ou qu'il y a des gagnants, qu'il y a des médailles au plus rapide. Mais nous, on va vraiment, avec Bootcamp Race et la style de course qu'on veut, c'est vraiment participation de tous et chacun pour le dépassement de soi-même et non pour en compétition. OK, OK. Donc, y a-tu des. Et de l'après-midi, comme tu peux, si tu es sur le site, tu peux regarder. L'après-midi, on va avoir le départ adulte et enfant. À 5 $ pour les enfants, l'adulte paye le prix régulier, mais pour ajouter son enfant, c'est seulement que 5 $ à cette heure-là, d'avoir des courses à obstacles avec des prix aussi faibles, c'est impossible. Parce que quand on en fait, comme je te disais tantôt, on en fait, puis normalement, on paye de 80 à 100 $ la course. Puis nous, présentement, on l'offre à 50% avec les frais et les taxes toutes à 53 $. Donc, c'est vraiment intéressant. Hey, dis-moi, le Domiski, c'est la place idéale pour ce genre d'activité-là? Ben, c'est un endroit vraiment idéal. On a une petite montagne. Ouais. On se cachera pas qu'on n'a pas la montagne la plus immense comme station de ski. Cependant, qu'est-ce que ça offre par rapport à toutes les autres qu'il peut y avoir de demande, c'est que nous, l'obstacle ne sera pas la montagne. L'obstacle principal va être les obstacles. Et depuis un certain temps, les ferveurs amateurs, là, ça, c'est ça qu'ils recherchent, des obstacles qui vont leur donner un challenge qui va les défier plus que dire « Ah, je monte la montagne une huitième fois, ah, ça vient un petit peu plus plat. » Mais nous, ce qu'on vit, c'est que quand on va monter la montagne, ben ça va être pour fatiguer les participants, mais pour arriver à un obstacle, l'obstacle soit un... les gens arrivent et ça fasse « Wow! » Ouais, c'est ça. T'as-tu vu les autres compétitions, Trois-Rivières-Granby? Est-ce que notre territoire, j'imagine, n'a rien à envier de ce côté-là? Là? Notre territoire n'a rien à envier, comme je disais. Ouais. On veut notre place. C'est une course qui est unique en la région. On va avoir beaucoup de monde qui vont venir de Chicoutimi, du Saguenay, du monde de Québec. Il y a même des gens, comme je disais tout à l'heure, que de Montréal qui sont inscrits, parce qu'il y a des forfaits. Il y a 4 courses, tu peux en prendre 3 dans ton forfait. Puis il y en a qui a leur dit, ben on va aller visiter la Saint-Jean, il n'y a jamais été. C'est une opportunité, ils viennent. Puis comme tu disais tout à l'heure, oui, ce qui va être le gros de la logistique, c'est de trouver 150 bénévoles de 1. Tu confies? Mais de 2, ça va être de... Oui, des bénévoles, j'ai aucun problème. Okay. Ça. L'agro de la logistique, c'est de déplacer le monde, de transporter le monde à domicile, des coucher, des loger, des nourrir. Le gros de la logistique va être là. Puis en plus, on ouvre le site à 6 heures le matin, parce que notre premier départ est à 8 heures. Ouais. Puis on invite toute la population de Delbeau-Missisquoi à venir le voir. Ça veut dire que faut transporter ce monde-là, parce qu'on n'a pas assez de stationnement à Domiski pour tout stationner ce beau monde-là. Ouais, ça va être du monde à la messe. Ça fait que ça nous fait une logistique de transport, une logistique, un joyeux casse-tête que mon équipe et moi, on va être prêts à relever. OK. Donc, on va se dire... en terminant, tu es président du club d'haltérophilie. Il y a la moitié des sommes qui vont être versées, des profits qui vont être versés au club d'haltérophilie. L'autre moitié va être versée à Domiski. Oui, comment ça va au centre de ski de Domiski? C'est sûr que tu as la dynamophilie, tu as le crossfit qui est en expansion un peu ici dans le secteur aussi. Est-ce que, à quelque part, ça se ressemble pas mal, tous ces sports-là? Est-ce que l'arrivée du crossfit puis de la dynamophilie, ça l'a nuit au club d'haltérophilie de Delbeau-Missisquoi? Non, ça l'a pas nuit. Ça l'a aidé. Même, ah ouais, OK, c'est bon. C'est vraiment... entre le crossfit et l'haltérophilie, c'est une synergie, là. Quand tu fais du crossfit, faut que tu sois capable. Il y a beaucoup de mouvements d'haltérophilie. Le crossfit aide l'haltérophilie. L'haltérophilie aide le crossfit. Puis on l'a vu au dernier jeu du Québec. Ouais. 6 membres sur 8 de l'équipe venaient de Delmont-Missisquoi, du club d'haltérophilie de Nord. Puis on est allé chercher notre lot de médailles quand même à travers tout ça. Ah, effectivement. Donc, bravo. Puis, écoute, je vais te souhaiter merde. C'est vraiment intéressant, ce projet-là. Tout ce qui peut amener des retombées économiques dans le haut du lac, on peut pas faire autrement que de saluer ça. Puis on va s'en reparler d'ici le 17 juin, ça c'est sûr et certain. Donc, okay, Richard Bello, qui est l'instigateur de la nouvelle course de Bootcamp, nouvelle activité de Boussisny qui aura lieu le 17 juin prochain.